بسم الله الرحمن الرحيم ندخل الآن في الدرس الثامن ويتشيم درس توجور دون فصل الإيمان بالله قال رحمه الله تعالى في السؤال الرابع وثلاثين 34e question أيهما أحب إلى الله المؤمن الضعيف أم القوي lequel des deux plus aimé auprès d'Allah le croyant qui est fort ou le croyant qui est faible الجواب المؤمن القوي أحب إلى الله que le croyant qui est fort est plus aimé auprès d'Allah. Et c'est quoi le dalil? C'est le hadith de Abu Huraira رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله ابن المؤمن من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقول لو إني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن كل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Donc le hadith que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant qui est faible. Et les deux contiennent du bien. À partir du moment où tu as de la foi, tu as forcément de toi un bien. Aussi minime soit-il, tu as un bien. Quant à celui qui est un mécréant qui n'a pas de foi, d'accord, il n'a pas de bien en lui. Et le bien qu'il ferait, cela ne lui profiterait que dans cette dunya, c'est tout. Mais ce qu'on appelle le bien hakikaten, en réalité, ce bien qui est le bien qui apporte un bien dans l'au-delà, il n'en a rien du tout. Donc Allah Ta'ala, on l'a pris auparavant, « Ulaika hum sharul bariyya » Cela sont les pires de la création. Donc le mu'min fort est meilleur que le faible, bien que tous les deux renferment du bien. Et des ulama ont expliqué le sens de fort, certains veulent dire par là, qui est fort dans sa foi. Et d'autres ont dit qu'il soit fort également dans son corps. S'il a lié les deux, cela est encore meilleur. Fort de foi et fort de corps. Cependant, être fort de corps et faible de foi, cela ne sert pas à grand chose. Combien de frères on voit qui font des choses avec leur corps? Des longues séances sportives, séances de musculation, frères qui font des sports de combat, des choses qui sont assez dures pour le corps, et pourtant, dans les adorations les plus simples, ils ont beaucoup de mal. Ils ont beaucoup de mal. Soulever des poids te sert à quoi si tu n'arrives pas, d'accord, à soulever ton corps pour aller faire la salat, au fajr, par exemple, ou aux autres temps, salat en jamaa, en groupe. Tu n'arrives pas à faire des actes surrogatoires qui apportent beaucoup de bien, comme tarawih, pendant Ramadan. Quelqu'un qui ne jeûne jamais, ce n'est pas interdit. Mais il ferait mieux de faire prédominer les actes surrogatoires de l'adoration plutôt que le sport. Le sport n'est pas interdit en soi, s'il y a une bonne niya pour celui qui en fait. D'accord? Tant que ça rentre pas dans l'ostentation et le fait d'être vu par les gens et d'être vanté par les gens, car la plupart des sportifs, c'est à ça que ça amène. C'est que de l'ostentation. C'est être le meilleur et être vanté et se faire voir. D'accord? C'est tous les sports qui amènent à une apparence physique comme la musculation par exemple, c'est que du voyeurisme comme on dit, qu'on voit que tu es fort et musclé, mais auprès d'Allah Azza wa Jal, cela n'apporte rien, comme a dit le hadith inna Allah la yanzuru ila ashtamikum wa la ila suwalikum wa la yanzuru ila qulubikum fi aw fi alwaya ila a'malikum, que Allah ne regarde pas vos corps ni votre image, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Maintenant, des gens naturellement ont été faits comme ça, et d'autres qu'ils font cela avec une bonne intention. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, ne jamais dépasser les limites et en faire trop. Et faire attention à Shaitan. C'est un rappel. Pour tous. Quelle est la première obligation qui incombe sur le serviteur? Et là, c'est le mukallaf, qu'il soit un kafir ou un muslim, cela lui est obligatoire de faire cela. Seulement le muslim a accepté, le kafir l'a refusé. Qala fi sual 53 tawhidullah, le fait d'unifier Allah azza wa jal. Et le dalil, c'est le hadith de Ibn Abbas, qala lama ba'atha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Mu'adh ibn Jabal ila nahwi ahli al-Yaman, qala lahu innaka taqdum ala qawmin min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uhum il est un yuwahidu Allah Ta'ala. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, vers les gens du livre, il leur a dit, première chose à laquelle tu les appelles, tu vas d'abord te rendre auprès des gens du livre, pour l'avertir que ces gens-là, ils ont reçu un savoir, tu ne vas pas vers des gens qui sont totalement ignorants, Et première chose à laquelle tu les appelles, qu'ils unifient Allah seul. Ce qui prouve que les gens du livre n'unifient pas Allah après les messagers. Ils ont détérioré leur religion. Sinon, ils n'auraient pas besoin de les appeler à cela en premier lieu. D'accord ? On leur aurait dit, rappelle-leur. Mais les gens du livre font du shirk. Donc là, c'est la première obligation qui nous incombe à tous. Unifier Allah. D'accord ? Et principalement dans l'adoration, comme cela va arriver. قال في السؤال السادس والثلاثين 30e question ما هو الشيء الذي دعت إليه جميع الأنبياء à quelle chose tous les messagers ont appelé unanimement ou plutôt les prophètes قال عبادة الله وحده واجتناب التاغوت le fait d'adorer Allah seul et de s'éloigner du taghout le taghout c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou qui appelle ou qui l'agrée ou autre parmi les différentes formes de taghout. Et c'est quoi la preuve en cela? La parole d'Allah dans le sens où il dit, la parole d'Allah dans le sens, ou plutôt la parole d'Allah où il dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorer Allah et le niveau du taghout. An-Nahl Zabay, verset 36. Donc tout le monde a eu droit à ce message-là. Tout le monde y a eu droit. Toutes les communautés précédentes y ont eu droit. Et aujourd'hui, le seul messager qui nous revient de suivre et à qui on doit obéir totalement, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À savoir que les autres messagers ont appelé le même message que lui. Mais, comme nous l'avons expliqué, leur rite devait différer. Et ils sont abrogés aujourd'hui, à part ce qu'on ordonne avec notre législation. Quand la visuelle est Samir al-Salathin, Manuhum awliya Allah. Qui sont les rapprochés d'Allah et ses alliés? Qala humul lazina amanu wa kanu yattaqun. Ce sont ceux qui ont cru, tout simplement, et qui sont pieux. D'accord? Le wali d'Allah, c'est le croyant pieux. Donc le kafir ne peut être un croyant, un ali d'Allah, et le pervers également ne peut l'être. Bien qu'il aura une part de d'alliance, car ça, il aura une part de foi, d'accord ? Mais il n'aura pas l'alliance rapprochée et particulière que Allah accorde aux pieux. Et les plus pieux des hommes sont les messagers envoyés, bien évidemment. Non. فدليل قوله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. N'est-ce pas que les rapprochés d'Allah, nulle peur sur eux, et ne seront point attristés. Ceux qui ont cru, et qui ont été pieux, qui ont craint. Donc le pieux, celui qui obéit. Car des gens aujourd'hui sont considérés comme étant des aouliers, et sont des grands pervers, des grands faussaires, qui n'obéissent pas, désobéissent délibérément, voire même commettent des plus grandes turpitudes. Et les gens les prennent pour des rapprochés d'Allah, comme on voit chez les soufis, mathalan. Wali azbillah. Et combien d'entre eux ont apostasié? Et pourtant sont pris comme étant des saints, ils sont adorés en dehors d'Allah et invoqués. Allah musta'an. Et tout cela à cause de l'ignorance qui règne dans la communauté. Qala fi su'al 38 ma huwa haqqullah 'ala al-'ibad? Quel est le droit d'Allah sur le serviteur? Ça revient à la question 35. Qala an ya'budu wa la yushriku bihi shay'an. Qu'il l'adore seul et ne lui associe rien. L'adorer seul ne suffit pas. Il faut non seulement l'adorer et ne rien l'associer. Car il y a des gens qui adorent Allah azawajal, mais ils adorent autre que lui avec lui. Donc cette adoration en plus pour autre que lui annule tout le reste. Il pourra faire autant d'adoration qu'il fait pour Allah, comme salat, comme siyam, le fait qu'il adore autre que lui à côté, annule tout le reste. Car c'est la chose que Allah ne pardonne pas pour celui qui meurt dessus. Et il dit, 39e question, ma huwa haqqul 'ibad 'ala Allah, maintenant quel est le droit des serviteurs sur Allah, c'est-à-dire que Allah leur a promis en réalité car on n'a pas le droit sur lui. Mais dans le fait que Allah, d'accord, s'est interdit l'injustice et qu'il a promis à celui qui ne souffrirait rien, qu'il ne le châtiera pas et le fera entrer au paradis, quoi qu'il ait fait auparavant. S'il meurt sur le tawhid, ce qui inclut les actes également à l'iman, d'accord, il entrera au paradis. Qala wa dalil hadith Ibn Mu'adh ibn Jabal, qala kuntu radifa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala himar, yuqalu lahu Ufayr. Qala fa qala ya Mu'adh, atadri ma haqqullah ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah? Qala kurtu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqa Allah 'ala al-'ibad an ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'an wa haqqa al-'ibad 'ala Allah 'azza wa jalla an la yu'adhib man la yushriku bihi shay'an. Muttafaqun 'alayhi. Que Mu'adh ibn Jabal dit qu'il était avec le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam derrière sur un âne. Et que le message d'Allah lui a dit: "Ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah?" Il dit: "Allah et son messager sont plus savants." Il dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore et qu'il ne s'associe rien. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne châtie pas celui qui n'aura rien associé. Et quand on dit le châtie pas, c'est-à-dire d'un châtiment continue ininterrompu. Car il se peut qu'il était un mouahid, mais qu'il ait commis des péchés qui lui ont valu de passer au feu, un temps ou d'être châtié. Peut-être même dans sa tombe ou quoi. En tout cas, le châtiment qui est voulu, c'est le châtiment de l'enfer, al-mustamir, qui est continu. Celui qui est attribué aux mécréants. Naam. Fabdel Kod Naktafi, wa alhamdulillah bil alamin.